Allô, allô, bienvenue au Lobster 9.0, diffusé en ce beau début de septembre 2018. Surprise, surprise, le mauvais œil ne semble plus sur moi. Je suis bien en forme, probablement à cause de cette dernière semaine de vacances d'été que je suis en train de prendre au moment de l'enregistrement de ce Lobster. J'ai aussi profité de cette semaine de vacances pour faire venir un grand prêtre marabout à la maison, le grand Boubou Matouk, et toute ma maison a été purifiée des énergies négatives. À l'aide de Sirou Atou, son assistant Boubou Matouk a porté le regard menaçant du mauvais œil vers une autre personne que la mienne, puis depuis ce rituel, tout est pour le mieux. J'ai pas retrouvé d'oiseau mort sur mon patio arrière. Donc... Tout est vraiment génial! Oh, j'adore cette chanson, je m'en lasse pas! Tout est vraiment génial! Génial. Est-ce que vous avez regardé où sont mes pantalons hier soir? Ouais, c'était chérie, trop drôle. Où sont mes pantalons? Un grand classique. Tout est vraiment génial. Yes, yes. Yeah. Tout est trop content, fait partie du lundi. Tout est vraiment génial. Quand on vit dans la vie. S'il vous plaît, Lumet, tout le monde en parle. La vie est belle, tout est vraiment génial. Cette journée commence si bien, je pourrais chanter cette chanson pendant 10 heures. Cette semaine, on parle de quoi dans le Lobster? De BD, oui, bien sûr. Ma collection ne cesse de grossir. J'ai maintenant 914 BD dans ma collection, selon le registre que je tiens dans mon iPhone pour éviter d'acheter des BD en double. J'ai libéré une nouvelle armoire dans ma chambre, justement, pour entreposer ces nouvelles BD. Donc, bien sûr, on va en parler dans ce Lobster. J'ai lu plein de bonnes choses ces derniers jours. On parle aussi d'un road trip que j'ai fait le week-end passé. En manque d'action, j'étais en route vers les USA quand, à quelques minutes de passer les douanes puis d'arriver au pays de Trump, je suis tombé au paradis de la brocante, ce qui est sensiblement venu changer mes plans. Donc, je vous en parle dans ce Lobster. Aussi, je me lance un défi, un sujet au hasard, les tentacules. Je lance ce mot au hasard, c'est comme un petit défi, je vais essayer de vous rendre le sujet des tentacules intéressant. Je vous parle aussi du jeu de Messenger que j'ai essayé cette semaine. Et pour le reste, c'est comme d'habitude, dans le Lobster, on parle de tout, mais jamais de rien. Le feu et le vent viennent du ciel, des dieux du ciel. Mais Krom est notre dieu. Krom, et il vit dans la terre. Autrefois, des géants vivaient dans la terre, Conan. Et dans les ténèbres du chaos, ils dupèrent Krom. Ils purent ainsi lui voler l'énigme de l'acier. Krom se mit en colère, et la terre trembla. Le feu et le vent abattirent ces géants et ils jetèrent leurs corps dans les mers. Mais dans leur rage, les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Nous ne sommes que des hommes. Pas des dieux. Pas des géants. De simples hommes. Et le secret de l'acier a toujours porté avec lui un mystère. Tu dois apprendre sa valeur, Conan. Tu dois apprendre ses lois. Car à personne, personne en ce monde, tu ne dois te fier. Ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux pères. Les gars de rhétorique qui aiment les filles sans répondre. chance. Je suis payé un arsenal. Une médiocrité en finale. Protection maximale et grand total. Je suis bébé immunisé. Samedi matin, le 25 août 2018, je me suis réveillé avec le goût de partir en road trip. Et comme je connais le coin de Valleyfield, je me suis dit, je vais me rendre dans ce coin-là et descendre au sud, direction USA, par la campagne. Ça va me permettre de voir des beaux paysages et je vais sûrement finir par pogner une douane et me ramasser dans l'État de New York. Donc, je pars, sans autre préparation que prendre mon passeport. Il faisait beau. Déjà, tôt le matin, on approchait des 30 degrés. J'avais ma bonne musique dans l'auto, puis je roulais un peu au hasard. Mon seul plan était de prendre la 202 pour descendre au USA, mais en arrivant dans le coin où j'étais supposé voir une 202, je vois la route 201. Je me suis dit, j'ai du mal noter le numéro de route à prendre, donc 201, ça me semble un numéro gagnant, donc je m'enligne là-dessus. Pour votre info, moi j'ai pas de forfait de données sur mon iPhone, donc pas de Google Maps ou d'aide pour me diriger. Donc j'y vais de mémoire. 202, 201, pour moi, c'est la même chose. Donc, je roule sur la 201 quand finalement, après quelques kilomètres, c'est bloqué. Un pont en réparation, je crois. Donc, même en campagne, ils font des réparations. On me détourne et je finis en suivant ma voiture à me retrouver sur la 202. Je me dis, ah ben, la 202 existe finalement. Donc, je continue là-dessus, maintenant que le hasard a choisi de me ramener sur la route que je devais prendre. Signe que ça va bien, à un moment donné, une pancarte m'indique « État de New York, 12 km ». Donc, je suis pas loin. Puis d'après l'odeur de moufette qui commence à remplir mes narines, Donald Trump doit sûrement être dans la région. Quand je suis à moins d'un kilomètre de la douane, à Hitchinbrook, je tombe sur une immense foire agricole, un champ complet rempli de monde. Donc, j'hésite. Je vais aux États-Unis ou je vais voir ce qui se passe ici. Les gens ont l'air de s'amuser, on me fait signe de venir. Et là, au moment où j'ai un doute, je lis sur une pancarte qu'il y a un encan et un gros marché aux puces antiques à la foire agricole. Oh! Il n'en faut pas plus pour me convaincre. Trump devra attendre avant de pouvoir me jaser. On reprendra rendez-vous. Donc, je me laisse diriger dans un immense champ où on nous fait stationner et j'embarque dans une wagon pour m'amener au site où pour un gros 5$, j'ai accès à la 33e Châteauguay Valley Antique Association. C'est immense. Sur le site, c'est rempli de voitures antiques, de vieux tracteurs des années tranquilles, qui eux se livrent des combats en essayant de tirer le plus de poids possible. Il y a une épluchette de blé d'Inde, des vieilles granges à visiter qui sont remplies d'outils anciens comme un moulin à grain manuel, une cardeuse à laine, etc. Le genre de choses que nos agriculteurs utilisaient il y a longtemps. Ensuite, je tombe sur une grosse tente où se trouve Randall Flanagan, celui qu'on voit parfois à Historia dans l'émission La fièvre des encans, qui m'indique que dans 20 minutes, il va tenir un encan de vieille cochonnerie. Oh! Est-ce que je serais arrivé au paradis sans le savoir? Je vais donc m'enregistrer et j'obtiens mon numéro chanceux, le 259. C'est avec ce numéro que je vais pouvoir dépenser l'argent que j'ai dans les poches. Car oui, en prévision de mon road trip au matin, j'étais heureusement arrêté de me remplir les poches à la banque au matin. Donc, avec mon 300$ en poche, je vais faire un tour rapide des choses qui vont être mises aux encans, puis je m'installe. Debout dans un coin, j'attends que ça commence. Je dois vous avouer que même si c'est un encan bilingue, j'en perds des bouts. Et j'ai pas trop d'idées comment ça marche. Je sais que je dois laver la main pour miser, mais je veux dire, je sais pas trop si l'encanteur rajoute des frais sur le prix payé à la fin. Mais bon, ça m'empêche pas de m'amuser. Je lève la main beaucoup trop souvent. Et à mes pieds, les cochonneries commencent déjà à s'accumuler. Heureusement, je perds plus souvent que je gagne. Mais je perds de jolies choses. Par exemple, 3 beaux clairons en cuivre. Je misais contre une jolie fille qui semblait avoir les mêmes goûts que moi. À 50$, j'ai abandonné. Elle les a eus à ce prix-là. Ensuite, plus tard dans le feu de l'action qui me brûle, je me ramasse à avoir misé 100$ pour une cloche qu'on accroche devant la porte et que les gens peuvent actionner. Heureusement, quand je réalise que j'ai misé 100$, quelqu'un mise encore plus haut, elle se vend finalement 125$. Ouf! À un moment donné, je ne sais pas trop si c'est parce que je me suis gratté l'oreille, mais un responsable vient me porter un plateau rempli de petites cochonneries. J'ai demandé comment j'avais payé pour ça, 3$. Comme l'encanteur a retenu mon numéro pour miser et enregistrer la vente à mon nom, je suis pogné avec ce plateau vidange. La honte. Dans le plateau, des trésors de beauté m'attendent. 4 items. Le premier, un gros badge de Sainte-Anne-de-Beaupré qui s'accroche au mur. Deuxième item, une petite réplique de Sainte-Anne-de-Beaupré en laiton. Je crois rêver. Troisième item, un genre de bouteille de génie en verre orangé qui, si je le frotte, va sûrement me sortir un génie encanteur. Par curiosité, je le débouche la bouteille et la referme aussitôt. Elle a dû, il y a 80 ans, contenir le parfum de fermier très riche, mais dont je ne partage sûrement pas les goûts odorants. En gros, ça sent la marde. Quatrième item, le plus beau, que je me suis gardé pour la fin. Un trophée d'environ 8 pouces de haut en métal noirci qui indique Armstrong Boys Club Track and Field Meet 1957. Bon, c'est pas trop grave, c'est juste 3 piastres. Je dépose donc ce trésor à mes pieds avec les autres et me demande dans quoi je vais ramener ça. Heureusement, un vieux coffre style électricien d'un beau verre usé est mis à l'encan. Je l'obtiens pour 10 piastres et je mets mes cochonneries inutiles dedans. Le plaisir ne fait que commencer car je jase avec les gens autour et on m'apprend que la plus belle pièce de la journée va être vendue. Un gros cheval en bois peinturé noir, le Black Horse. C'est parti! Dans le feu de l'action, je lève la main. J'ai une mise à 50$. Ça continue à monter. Heureusement, ça me laisse le temps de me dire que j'ai vraiment pas besoin d'un cheval ancien en bois peinturé noir. Vendu 100$ au monsieur dans le fond. Ouf, c'est pas moi. Plus tard, arrive un objet que je trouve très joli et qui, je crois, ferait un beau souvenir de cette journée de foire de tracteur. Un siège à tracteur en acier blanc qui brille comme un miroir. Le siège est magnifique. C'est parti, je lève la main. Un autre personne renchérit. L'encanteur dit un prix, je comprends rien. Je lève la main, ça renchérit. Encore du charabia, je lève la main. Oh yeah, ça renchérit encore contre moi. L'encanteur me regarde et me fait des signes incompréhensibles en me parlant en anglais, russe ou chinois, ou dans toute autre langue que je n'ai malheureusement pas la chance de maîtriser. Mais, comme je suis un bon garçon, très poli, Même si je n'ai pas compris la question, je fais signe que oui en souriant un peu bêtement. Ce qui, dans le feu de l'action, semble avoir l'effet de faire augmenter les enchères. Alors que mon cerveau comprend que bouger la tête du haut vers le bas est l'équivalent de lever le bras, j'entends un cri. Sort, vendu! Et on m'apporte le beau siège de tracteur brillant. Victoire! J'ai vaincu la bête. Alors que je dis merci en attrapant le siège tout brillant, je me demande combien j'ai bien pu payer pour ça. J'estime qu'au nombre de fois que j'ai combattu, levé le bras ou bougé la tête de haut en bas, j'ai sûrement un prix qui se situe entre 20$ et 250$. Et ça commence à m'inquiéter, car je ne dois pas dépenser plus que le 300 que j'ai en poche. Donc, comme j'ai déjà plein d'autres cochonneries à mes pieds, d'un prix tout aussi incertain, je sors de la tente aux mille et une tentations. Je quitte l'enchère. It's done for me, baby. Car j'ai pas l'intention de laver des tracteurs jusqu'à la fin de la journée ou éplucher 200 poches de blé d'Inde pour payer mes dettes. Je me rends donc au kiosque où on peut payer, où quelqu'un me liste les choses que j'ai achetées. Des cochonneries, mon coffre, un siège de tracteur en acier. Oups, mon siège. J'ai même pas pensé à l'amener. Il est resté dans le temps. Je retourne donc à l'encan, je ramasse mon siège, marche sur les pieds d'une personne handicapée sans faire par exprès et reviens pour recevoir ma facture que la dame a eu le temps de préparer. J'ai donc une belle facture sur laquelle on a seulement rajouté la taxe à Trudeau et la taxe à Couillard. Pas de frais d'encanteur. Super. Ma facture se lit comme suit. Tree Collective, 3$. Ça, c'est mon plateau d'objets sains et de trophées. Metal Cash Box, 10$. Ça, c'est mon coffre d'électricien qui est devenu une caisse ancienne pour serrer l'argent. Tiens, il y a justement deux clés pour le barrer. C'est cool. Yardstick, 12$. Hein? 12$ pour trois règles en bois de 1 mètre? OK, c'est des vieilles règles très anciennes. Le numéro de téléphone du commerçant dessus a juste deux chiffres. Par exemple, pour téléphoner à la Champlain Hoy de Valleyfield, signalez le 71. Moi qui pensais avoir payé 4$, ce qui était déjà trop cher. Mais bon, c'était plutôt 4$ par règle. J'ai compris plus tard que j'aurais pu en ramasser juste une. Les deux autres auraient ensuite été remis aux enchères. Mais non, moi, j'agis en champion. Quand tu remportes une enchère, tu ramasses tout. Tu laisses rien pour les rapaces autour. Retour à ma facture. Vice, 10$. C'est quoi ça? Ah oui, je peux pas l'oublier. C'est le gros objet en fer que j'ai de la misère à traîner puis qui m'oblige à faire une pause tous les 50 pas. C'est un gros étau ancien pour établi qui permet de tenir des morceaux de bois rond. Pour bricoler puis sculpter le bois, ça va me servir. 10$ seulement, c'est donné. Un étau neuf coûte au moins 50$. Puis le mien a probablement appartenu à un fermier qui aimait se parfumer. C'est rare ça. Retour à ma facture où sur la dernière ligne, je peux lire « Steel Seat ». Enfin, mon siège de tracteur. Je regarde le prix, 35$. Yeah, victoire! Je crie, je saute par-dessus la table, attrape la dame des ventes et l'embrasse pendant deux longues minutes. Bon, la finale ne s'est peut-être pas passée exactement comme ça. J'ai peut-être juste payé mon total de 80 et 48 et dit merci, mais c'était vraiment plaisant. Ensuite, j'ai fait le tour du site, j'ai regardé le concours de tirage de tracteurs anciens, j'ai mangé du bon méchoui de porc sur le site et ramené tous mes beaux achats à la voiture. Roulant ensuite vers la maison, heureux de ma journée, je suis tombé sur des vergers remplis de centaines et de centaines de pommiers. C'était magnifique, des pommes rouges à perte de vue. Heureusement, tous ces pommes rouges que je voyais pour la première fois m'ont fait réaliser que je ne devais pas rouler dans la bonne direction, car habituellement, sur le chemin du retour, on est supposé voir les choses qu'on a vues à l'aller, ce qui n'était pas le cas pour ces vergers. Donc, j'ai fait demi-tour, repassé devant la foire agricole, salué mes amis et réussi à revenir chez moi. Bilan de la journée, que du plaisir. J'ai déjà hâte d'y retourner l'année prochaine. Shake Tuesday, club go mad. On a Tuesday, got your girl in the curtain, shake Tuesday, club go mad. On a Tuesday, got your girl in the curtain, shake Tuesday, club go mad. Do no party on a weekend. Upstairs, I got Zans in the Advil bottle. I don't take the shit, but you do. So I got the club all night. One, two, three. Got your girl in the cut and shake. Tuesday, club all night. One, two, three. Got your girl in the cut and shake. Qu'il est 4 heures du matin! Mais on est samedi! Non, on est dimanche, crétin! Et je dois aller bosser dans 4 heures, connard! Parce qu'un connard de mon putain de département est malade, connard! Est-ce que tu vois pourquoi je suis dans une putain de rage abruti? Putain, ouais! Maman, tu as été mordue? Non, mais ils ont mordu Philippe. Oh, d'accord. Elle a été mordue? Non, mais Philippe, oui. Oh, d'accord. Alors dis-moi, dans quel état il est? Oh, ça va, mais il n'est pas au mieux de sa forme. Je vois où on en est. On va peut-être devoir tuer mon beau-père. Les tentacules. Un beau défi de sujet. Un sujet qui est venu ventouser mon esprit alors que j'étais assis dehors avec mon ordi à surfer sur Internet. Quand j'ai tapé tentacules dans Google, je suis tombé en 2 secondes sur du porno à tentacules. Et croyez-moi, c'était de très mauvais goût. J'ai donc activé mon filtre Safe Search dans Google avant de poursuivre mes recherches dans les méandres d'Internet. Et je suis tombé sur un article qui titrait « Pourquoi les monstres à tentacules nous excitent sexuellement? » En lisant cet article, j'en ai appris un peu plus sur le shokushu, une tendance japonaise que je n'aurais jamais soupçonnée. C'est quoi au juste le shokushu? En gros, c'est de l'art érotique autour des tentacules. C'est une culture ou une tendance qui serait apparue au Japon autour des années 1950. Mais avant que je vous en parle, reculons de quelques années dans le temps. En 1814, où, sous les pinceaux du japonais Katsushika Okushai, est créée une estampe baptisée « Le rêve de la femme du pêcheur ». Cette estampe, que vous pouvez voir sur Internet, nous présente une étreinte plutôt énigmatique qui serait à l'origine du shokushu. Voici la description que nos prédécesseurs ont fait de cette estampe. Elles sont deux, et enlacent de leurs tentacules roses la peau couleur de lait. Tandis que l'une goûte le sexe de la femme endormie, l'autre lui assène un baiser sauvage tout en saisissant la pointe d'un sein. Les yeux fermés, la bouche entrouverte, la rêveuse empoignée par les pieuvres affiche un visage aux traits insondables comme un nœud indémêlable de jouissance, de rêve et de douleur. Voilà, je pense que ça décrit bien ce qu'on peut voir. Deux pieuvres qui font l'amour à une femme. Et le shokushu, cet art érotique exprimé pour la première fois dans cette estampe, a pris son envol au Japon au moment où la censure faisait rage. Alors que dans les années 50, il est interdit de montrer un pénis et interdit de réaliser des scènes érotiques dans un lit, les créateurs ont contourné les interdits en imageant plutôt des scènes sexuelles avec des pieuvres et donnent en guise d'excuse « ce n'est pas un pénis, c'est juste une partie de la créature ». Puis à partir de là, les autorités ne peuvent plus rien dire. Ce n'est plus considéré comme obscène par les lois et donc ce n'est plus illégal. Même si, de mon avis, c'est de très mauvais goût. Donc voilà, on en sait maintenant un peu plus sur le shokushu, une tendance culturelle qui, au Québec, nous a pris par surprise à la télé dans l'émission « Des kiwis et des hommes ». Pour ceux qui ne font pas le lien entre shokushu et l'émission « Des kiwis et des hommes », je vous donne la clé pour comprendre. Une clé qui se résume en deux mots. Palourde royale. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir cette séquence mémorable d'émission, doivent prendre le temps d'aller dans YouTube et chercher pour Palourde Royale et Des kiwis et des hommes. On y voit Francis Reddy, l'animateur qui doit présenter un chef cuisinier japonais qui vient présenter comment on prépare une palourde royale. La palourde royale ressemble à une longue tentacule en forme de pénis. Incapable de poursuivre l'émission, ce segment d'émission nous donne un des fous rires télévisuels les plus mémorables de la télé québécoise. Je vous mets au défi de ne pas rire en regardant ça. Moi, je pleure des yeux chaque fois que je la regarde. Donc voilà, mon petit défi de vous parler de tentacules m'a amené sur un sentier que je ne soupçonnais même pas et que j'ai finalement trouvé intéressant. La palourde royale. Moi, j'ai jamais vu de palourde royale de ma vie. Attachez vos trucs avec de la brosse. Voici la palourde royale. Voilà, ça, c'est une palourde royale. C'est ça. Excuse-moi, là, mais même océanographe, j'ai jamais vu ça de ma vie. Excusez-moi. Ok. Allons-y avec la palourde royale. Merci, ça. Bon, nettoyer. Mais ça vient de où, ça? Ça vient de Vancouver. Ok. De Vancouver? Ben oui. Ok, d'accord. Au Canada. Ok, d'accord. Est-ce qu'on fait avec la palourde royale? Ça, c'est bien l'idée. Vas-y, moi, je suis... Est-ce qu'elle est... Ok. Excuse-moi. Because I Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. je voulais vous reparler d'un jeu qui vient tout juste de sortir. Je vous en ai déjà parlé brièvement dans un autre Lobster, c'est le jeu de Messenger. C'est un jeu qui a été créé par le studio Sabotage de Québec, et le 30 août 2018, le jeu est sorti sur PC puis Nintendo. Moi, je l'avais acheté à l'avance, puis on l'a essayé dès sa sortie. C'est un jeu d'action où vous incarnez un ninja, donc vous vous en doutez bien, vous pourrez grimper sur les murs, rebondir sur des projectiles que vos ennemis vous envoient, planer avec une cape, utiliser un grappin, donc plein de possibilités dans le jeu qui se débloqueront progressivement. On a joué quelques heures, une dizaine au moment de cette chronique, puis c'est vraiment difficile. Ben, juste assez. Puis quand tu meurs, ce qui arrive régulièrement, il y a Quasimodo, une sorte de petit démon qui te ramène à la vie. Mais pas gratuitement, oh non! Pendant un certain temps, il ramasse tes récompenses à ta place. Puis tes récompenses, ben, toi t'en as besoin pour acheter des compétences à la boutique du marchand. La boutique, c'est cet endroit mystérieux que tu peux accéder assez souvent et où il y a un coffre qui s'ouvrira que lorsque nous aurons accumulé 45 sauts de pouvoir. Des sauts qui sont cachés et dissimulés tout au cours du jeu et où on doit prendre une autre route que le chemin normal pour s'y rendre. Pour l'instant, je peux pas vous dire qu'est-ce qui se cache dans ce coffre car j'ai seulement 3 sauts en main. Sinon, le marchand dans la boutique, lui, nous permet d'améliorer nos compétences et a toujours une bonne histoire à nous raconter si on est le moindrement intéressé. Et en parlant avec Philippe, pour le féliciter, l'ami que je connais qui a travaillé à la création de ce jeu, il nous a conseillé de mettre le jeu en québécois, ce qui a été fait et a transformé notre ninja en parfait québécois qui nous lâche des « faut pas rester ici, il y a plein de bobites ». Donc, un petit plus qui ajoute à notre plaisir. Aussi, une particularité qu'il semble y avoir, c'est que les boss de fin refont pas les mêmes choses de fois en fois. Au premier boss, un gendarme qui nous tirait des bagels de feuilles, eh bien, avant de mourir pour la première fois, on avait essayé de remarquer son pattern d'attaque. Au retour, après être mort, on a appliqué notre théorie pour le contrer, mais non, il a décidé de plus attaquer comme la fois d'avant. Donc, c'est quand même le fun, ça rend le jeu encore plus difficile. Heureusement, il y a des save games aux endroits pertinents, on recommence juste au bon endroit. Donc, pas de plaisir gâché à devoir refaire 100 fois le même tableau, la progression est toujours constante. Voilà, je vous en dis pas plus, moi j'aime bien, un jeu de style rétro qui a déjà gagné tout plein de prix partout où il a été présenté, puis qui se vend pour un petit 20$ sur Steam et probablement le même prix sur la Switch de Nintendo. Donc, je vous le conseille, moi, ce jeu m'a immédiatement rappelé la fin des années 80, où, étant au secondaire, j'allais tous les midis jouer à l'arcade à ce type de jeu. Donc voilà, je vous invite à regarder un peu de gameplay de Messenger sur Internet pour voir s'il ne vous plairait pas vous aussi d'y jouer, puis d'encourager cette compagnie québécoise qui, au terme de 2 ans d'efforts, a livré un jeu qui, pour l'instant, ne semble pas avoir de défauts. Mais je vous dis de ne pas regarder trop de gameplay pour vous réserver les différentes surprises qui viennent pimenter le jeu. Puis en terminant, voici le genre de commentaire que risque de générer ce jeu chez votre ado et que je viens d'entendre. Oh, pourquoi le boss il enlève ses bobettes et me fouette avec? Donc voilà pour ma chronique. Cette semaine, pour notre chiptune, on écoute des chansons du jeu que j'ai reçues en achetant le jeu en pré-vente. Chip, chip, chip, chiptune. Cette semaine, dans notre chronique sur les BD, je voulais vous parler d'une série de BD plus adultes, la série Blake et Mortimer. Cette série est écrite par Edward P. Jacob, né le 30 mars 1904 à Bruxelles, puis qui est mort en 87. C'était l'un des collaborateurs d'Hergé, qui lui est bien connu pour les aventures de Tintin. Edgar a participé à certains volumes de Tintin en participant notamment au niveau des dessins, des décors, des matériels et des équipements. Donc, si on revient à la série Blake et Mortimer, dont je vais vous parler, cette série a la particularité d'être toujours en cours malgré la mort de son créateur. Présentement, il existe 24 BD, la 25e doit sortir cette année et on sait déjà que 3 nouvelles sont en production. Donc, cette BD est bien vivante. Mais en quoi consiste cette BD? La série raconte les aventures du capitaine Francis Blake, un ancien pilote de la Royal Air Force devenu directeur du MI5, le service britannique de contre-espionnage, et de l'histoire de son ami, le professeur Philip Mortimer, un spécialiste en physique nucléaire et l'un des plus éminents scientifiques du Royaume-Uni. Les deux héros se retrouvent souvent confrontés à leur ennemi juré, le colonel Ulrich, un criminel de classe internationale. Puis tous ces personnages évoluent dans une époque qui se situe autour des années 50. Le charme de cette série tient entre autres au savant mélange de réalisme et de science-fiction. Si, dans Le secret de l'Espadon, l'aventure est surtout d'ordre militaire et technologique, et que dans Le mystère de la Grande Pyramide, c'est plutôt historique et ésotérique, bien, des albums comme La Marque jaune, L'énigme de l'Atlantide ou Le piège diabolique mélangent l'action guerrière ou policière à l'utilisation des découvertes scientifiques. Edgar Jacob se distingue notamment par sa volonté de réalisme et d'exactitude dans les détails. Travaillant souvent d'après des photographies ou des croquis de repérage, il a créé un monde dans lequel la fiction devient complètement plausible. Cette série de BD est un gros succès interplanétaire. Elle a été traduite en 12 langues, puis Internet m'apprend que les 22 premiers albums réunis se seraient vendus à 15 millions d'exemplaires. Pourquoi je vous en parle? Parce que les histoires sont vraiment passionnantes et intrigantes. Par exemple, si on prend le mystère de la Grande Pyramide qui se présente en 2 tomes, ça nous présente l'histoire d'un papyrus qui est trouvé dans une momie par des égyptologues, puis l'un d'eux, qui est l'ami de Mortimer, va lui montrer ce papyrus qui évoque le trésor d'Horus, puis l'invite à participer aux recherches avec son équipe. Puis lorsque Mortimer prend connaissance du papyrus, il ne faut aucun doute pour lui qu'il existerait dans la grande pyramide de Khéops une chambre secrète inconnue où se trouve la tombe d'Anaton et son trésor. Mais au cours des recherches, évidemment, des surprises et des événements étranges vont se produire. Donc toute l'histoire tourne autour de ça. Mortimer, pour essayer de comprendre les événements et faire avancer les recherches, va faire appel à son ami Blake, qui, soupçonnant qu'on veut s'en prendre à eux, va feindre la mort pour pouvoir continuer à enquêter sous les traits d'un ouvrier égyptien. Donc l'histoire est un savant mélange d'intrigues, de mystères antiques et de magie. Car oui, il y a une part de science-fiction dans ces BD. Donc, je vous conseille ces BD. Vous allez les trouver dans votre bibliothèque dans la section BD adulte. Moi, j'ai les 22 premiers tomes, mais ils sont très coûteux à l'achat. C'est 28$ par volume. Puis la majorité des histoires se déclinent en 2 à 3 tomes. Donc, vous imaginez facilement le prix pour une histoire complète. Donc, si vous optez pour l'achat, je vous conseille d'acheter les intégrales qui contiennent plusieurs volumes ou une histoire complète à l'intérieur d'un gros volume. Ça sera un peu moins coûteux, mais restera tout de même très dispendieux. Mais sachez tout de même que ces BD ont beaucoup de pages, une BD pouvant avoir jusqu'à 66 pages, ce qui est beaucoup, la norme se situant surtout autour de d'une quarantaine de pages. Donc, vous en avez quand même pour votre argent. Et là, simplement de prendre le temps de vous en parler, me redonner le goût de les lire. Donc, faites comme moi et faites-vous le plaisir de débuter la lecture des aventures de Blake et Mortimer. Pardon, vous êtes Canadien? Vous avez l'accent? Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois-canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne-française-française. On est des Canadiens, ah, oui, Américains, francophones d'Amérique du Nord. Oui, oui, des Franco-Québécois. On est des Franco-Canadiens du Québec. C'est ça. Des Québécois-Canadiens. Les deux. C'est ça. Un petit mot sur les élections au Québec. Je viens de faire la boussole électorale. C'est un petit quiz de 30 minutes qu'on trouve sur le site de Radio-Canada sur Internet. Puis selon nos réponses, on nous donne un aperçu du parti qui se rapproche le plus de ce qu'on pense. Donc, j'ai pris le temps de passer au travers de la boussole, puis surprise, NPD et Québec solidaire seraient les partis qui se rapprochent le plus de mes valeurs. Donc, il semble du côté politique, je me situe un peu à gauche, mais je me demande toujours pour qui voter. NPD au provincial, je pense pas. J'ai déjà voté NPD au Canada du temps de Jack Layton, surtout pour l'homme plus que le parti. Mais là, au Québec, je me questionne. Il n'y a pas vraiment de parti qui me rejoint totalement. Mon objectif est de voir les libéraux débarquer de là, mais je pense pas que je suis prêt à donner les clés à la CAQ. Depuis que le Parti québécois est un parti de fond de cimetière, je suis plutôt embêté là, pour mes choix au moment du vote. Je crois qu'à la dernière élection, j'ai voté pour le Parti québécois ou Québec solidaire, donc ça devrait encore ressembler à ça cette fois-ci. Mais je vous parle pas des élections pour ça, mais plutôt parce que mon plus vieux garçon a lui aussi fait l'exercice de faire la boussole électorale, même s'il a 13 ans, il ne votera pas, évidemment, aux prochaines élections. Non, ce que je trouve intéressant, c'est de voir les valeurs qu'il habite. Quand il répondait à la boussole, il me posait certaines questions pour être sûr de bien comprendre les questions. Et moi, je ne l'ai pas influencé en rien. Et ses résultats, à la fin, étaient semblables aux miens, NPD ou Québec solidaire. Donc, j'étais bien content de voir que les valeurs que je véhicule semblent se transmettre. Je n'ai vraiment aucun intérêt envers la politique et c'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse, mais je trouve que c'est important d'au moins voter, question de donner mon avis sur la direction que devrait prendre le Québec. Autant de morts, mais que peuvent les hommes face à tant de haine? Venez avec moi. Venez à leur rencontre. Pour la mort et la gloire. Pour le Rohan. Pour votre peuple. Le soleil se lève. Attendez ma venue aux premières lueurs du cinquième jour. À l'aube, regardez à l'est. Oui. Le corps de Helm, mes amis, va retentir dans le gouffre une dernière fois. Oui! Voici venue l'heure de tirer l'épée ensemble. Cruauté, réveille-toi. Qu'importe le gourou, qu'importe la ruine, et que l'aube soit rouge! We'll be right back. We have some extra gear up here for a reason. And you know, we're making this a special night by filming this, so maybe you'll be able to watch this a little bit later and hear all the fuck-ups. That's right. But also celebrating the Big Four, what we'd love to do is invite out all the other bands. Yeah. So we can have a little fun, all right? We've picked an extremely difficult song. All right? Yes, sir! This is a celebration, man. These bands been together almost 30 years and still alive and still on the road bringing metal to the metal family like you all out there, you know? So, history is happening right now, all right? And this is all good. moving forward in the name of heavy metal, all right? This is a song from a band called Diamond Head entitled Am I Evil? Pour ceux qui se questionnent sur la dernière chanson, je vous explique. Mais pour le faire, je dois remonter un petit peu dans le temps. Où, en 84, les jeunes fans de thrash metal ont commencé à spéculer sur un concert qui réunirait le Big Four, c'est-à-dire Metallica, Megadeth, Slayer puis Anthrax. Et au fil des années, puis après quelques déboires et tensions entre ces quatre groupes-là, cette vision de concert commun s'est évanouie. Il aura fallu attendre 25 ans avant que de nouvelles rumeurs, plus fortes et plus présentes sur de nombreux sites et communautés de fans, refassent surface pour aboutir en 2010 à une série de 7 shows qui ont réuni le Big Four sur la même scène. L'un de ces 7 spectacles, celui de Sofia en Bulgarie, a été enregistré et est sorti en DVD et Blu-ray le 1er novembre 2010 dans le monde entier. Le concert pouvait même être vu en direct de plus de 800 cinémas à travers le monde. Voilà, ça valait la peine d'être mentionné. Donc, pour terminer ce Lobster, qui a pris une tournure un peu plus métal que prévu, je pense que je vais finir en vous parlant de la série Metallocalypse, une série télévisée d'animation américaine en 61 épisodes de 11 et 22 minutes. Au Canada, vous l'avez peut-être vu diffusée il y a quelques années sur Télétoon. Cette série retrace les aventures d'un groupe fictif de death metal américo-suédo-norvégien du nom de Death Clock. Dans la série, ce groupe jouit d'une popularité mondiale hors du commun. Ils sont la 7e puissance économique mondiale tellement ils font de l'argent. Puis à chaque épisode, c'est un prétexte à un déchaînement de catastrophes sanglantes, gratuites et grotesques, mais qui sont hilarantes. Car c'est bien pour son humour qu'on apprécie cette série. Les personnages sont autant de clins d'œil à des stars du métal que les fans apprécieront. Je dirais donc que c'est un truc fait par des métalleux pour des métalleux. Dernier point qui a aidé au succès de cette série, ce sont les créations originales de musique en relation avec chaque épisode. Moi, je l'ai tout écouté cette série, c'est disponible en anglais avec sous-titres français si nécessaire. Je vous laisse donc avec un court extrait d'un épisode pour vous montrer à quoi vous attendre si vous décidez de l'écouter un jour. Voilà, c'est tout pour ce Lobster. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire et comme toujours, pour me rejoindre, c'est via la page Facebook du Lobster. Donc, bonne semaine à vous! Friends, we're not used to the whole apologizing thing. We're not professional apologizers. We're musicians. So, we wrote a song for you, a new national anthem. We took the lyrics straight from your finished folklore book of necronomic spells. You may recognize this one, though it hasn't been sung for a few thousand years. Awaken, awaken, moves to Krakish, the lake troll. Move Krakish, move Krakish. Awaken, awaken, awaken, awaken. Take the land that must be taken. Awaken, awaken. World's slain, forsaken, rise up from your doubts and you will free. Bring forth from your great eternity. I command you to rise, rise, rise. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú no eres el mal y yo no sé el metal. Me voy aceitando, voy amando en plan. Solo con pensar haces que le abrió el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va viviendo más. Eso que tomaron sin ningún apuro. Despacito, quiero resonar la vez despacito. Firma las paredes de tu labio. bleeding through. Test with lip to a manuscript. Quiero de balance, tu pelo, eres en tu ritmo. Que la llenas de mi boca. Tus lugares favoritos. Favorito, baby. Bésame sobre pasar tus horas de peligro. Hasta provocar un grito. You can be this, I'm a deal. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo que me intentándolo. Mami, te están gritándolo. Sabe que tu corazón conmigo te se bamba. Sabe que esa hueva anda bajando de mi bamba. Me venimos boca para ver cómo se sabe. Quiero, quiero que el mejor amor en ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me cago y dame el llave. Empezame lento, ya me voy a salvar. Pasito, pasito, suave, suavecito. No como pecando, poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, dejaré malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. No vamos pecando, poquito, poquito. Y es que esa burguesa, un promejo esa. Pero vamos a darlo, güey, tenga lo pieza.